Ce lendemain d'élection partielle, comment va Lise? Écoute-moi, là, ton thème musical, ça me donne envie de parler comme ça. Oh! Sur l'oreiller, Lise. Avec un air sur l'oreiller, comme dit Jean-Claude? Oui! À l'horizontale ou à la verticale? Ah, peut-être à verticale, comme dans Petite Vie, dans le fond. Comme mon mère, c'est ça. Salut. Ah, il était bon ton texte sur Québec solidaire et relativement à l'attaque du farfelu Amir Kadir qui souhaitait fermer Schwab. Évidemment, après des audiences publiques, puis une réflexion sociale, une réflexion communautaire. Oui, bien entendu. Comme si les codes d'écoute n'étaient pas un appui collectif clairement exprimé. Exactement. Est-ce que c'est ça, Québec solidaire, ou il y a plutôt le courant de Françoise David, c'est-à-dire aimons les pauvres et donnons-leur des sandwichs, pas de croûte, puis il y a un bon côté quand même chez Françoise David que je suis capable d'apprécier, mais l'autre côté, la face cachée de Québec solidaire, c'est Amir Kadir avec son t-shirt de l'URSS. Écoute, c'est vraiment un parti un peu schizophrène, t'as raison. Oui. Parce que Françoise incarne, moi je c'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect, je l'ai croisée un peu dans ma vie, je trouve étonnant son parcours considérant qu'elle vient d'une très grande famille bourgeoise, mais bon, c'est son choix, elle a milité dans la lutte quand elle était jeune, puis elle est restée là-dedans, puis bon, c'est correct. C'est une bonne personne. On ne sent pas chez elle de côté machiavélique, alors que son partenaire politique, Amir Kadir, là, on est dans l'infiltration de toutes sortes de choses, jamais nommées clairement, mais néanmoins exprimées, comme tu dis, par des t-shirts ou par des participations à des manifestations douteuses, ce qu'il a dit, bon, ben là, je pense que c'était peut-être une des premières fois où il a été aussi clair, disant, finalement, souhaitant qu'on ferme Radio X. Là, il mettait vraiment ses couleurs, là, je pense. Je pense que c'était clair. Puis, ce qui n'a pas néanmoins empêché Québec solidaire, hier soir, de récolter 32% des votes dans Outremont. Exact. Là, il faut le dire, par contre, Lise, je pense, plusieurs analyses à faire. C'est sûr que dans Outremont, vois-tu, le PQ n'avait pas de candidat. En même temps, donc tout le vote de gauche, le Québec solidaire a été le paratonnerre de ça, si tu veux, un vote de protestation ou un vote anti-libéral. Ça, c'est un peu normal, mais quand même, dans Vio, ils ont eu un bon score aussi, là. Oui, absolument. Moi, je pense que c'est un peu ma chronique d'hier. Je peux pas imaginer là qu'un jour les Québécois les porteraient au pouvoir, parce que je pense qu'on est des gens pragmatiques, modérés dans l'âme, du monde qui aime pas la chicane, puis bon, tout ça. Mais je pense que leur philosophie alimente ce fantasme-là qu'une société parfaite, juste et égalitaire existe, qu'on va pouvoir taxer les riches jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de riches, mais je sais pas ce qu'on va faire après pour avoir de l'argent, mais en tout cas, ça, ils n'en parlent pas. Non. Dans la tête des gens, c'est comme, ouais, c'est un objectif noble. Oui, on faut quand même les écouter, ces gens-là. Je dis pas qu'il faut pas les écouter, mais Seigneur, écoutons-les au complet. C'est pour ça que j'ai publié hier une partie des affaires qui se trouvent sur leur programme politique. Donne des exemples, Lise. Tu l'as énuméré dans ton article. Eux autres, ils aimeraient limiter la publicité, que ce soit au bord des autoroutes, dans les médias, un peu partout, pour remplacer la publicité comme partie de la publicité commerciale avec la publicité sociétale. Genre, attache ta ceinture. Regarde, au mieux, c'est attache ta ceinture. Au pire, c'est un poster de Che Guevara, tu sais. Ouais, des pubs pour le parti, là, puis pour le gouvernement, ouais. Oui, oui, mais tu sais, quand on se met à dire, là, on va limiter la pub, c'est un peu inquiétant. Par exemple, aussi, réduire la semaine de travail à 32 heures, mais sans réduire aucun impact sur le salaire des gens, augmenter ce régime des rentes du Québec à 60% des revenus. Ah non, ça, c'est fou braque. À 60 ans? Non, c'est fou braque. Non, mais je sais que c'est fou braque. Je sais que c'est fou braque, et quand tu les questionnes, puis il y en a dans mon entourage des gens qui sont plutôt sympathiques à la cause, et que tu leur demandes comment vous allez payer pour tout ça, ils reviennent. Je veux dire, c'est vraiment là le micro-sillon. Oh, ouais, taxer les riches. Ce mot-là, là, d'accélérer, Est-ce que vous deux, là, bon, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, mais s'il y a des auditeurs qui ont plus de 50 ans, ils vont se souvenir de ceci. Dans les années 60, il y avait un groupe extraordinaire qui s'appelait Ten Years After. Ten Years After avait à sa tête un guitariste d'un immense talent qui s'appelait Alvin Lee. Je dis s'appelait parce qu'il est mort. Et le grand succès de Ten Years After et Alvin Lee, c'était une chanson qui disait « J'aimerais changer le monde. I'd like to change the world. » Et les paroles, le refrain, je pense que Québec solidaire devrait peut-être l'adopter, c'est « Tax the rich, taxons les riches, feed the poor, nourrir les pauvres, until there are no rich no more. » Donc, d'égaliser par le bas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de riches. Donc, d'égaliser par le bas. Ouais, mais là, je reviens toujours à ma question fondamentale. Si la richesse à redistribuer vient des riches, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus de riches? Ben, on va devenir communiste. Non, mais c'est la solution. Ben, d'ailleurs, dans le programme du Québec solidaire, il parle, le mot est écrit, là, l'expression ferme collective. Ah, ben, c'est ça. Ferme collective. Ouais, c'est comme en URSS. La richesse va être collective. Au moment où il n'y aura plus de richesse individuelle, ce sera une richesse collective. Ben, c'est ça. On va redistribuer la pauvreté. Donc, du communisme. Ben, tu sais, c'est proche. Hein, de toute façon, tous ces mots-là, socialisme, communisme, aujourd'hui, c'est... Ah, c'est des gros mots, là. Ouais, pis c'est difficile, tu sais, là, il y en a qui vont dire, oui, mais celui-là est de tendance communiste-libertaire, l'autre est un anarcho-communiste... unioniste, je sais pas trop. Dans Crise des Carrés Rouges, je me suis pincé avec une coupe. Ouais, mais nous autres, on est des libertaires, on n'est pas des léninistes, des marxistes. Nous autres, on est des trotskistes. Oui, et la meilleure, c'est quand ils te disent, et celle-là, là. Oui, mais en Union soviétique, c'était pas vraiment du communisme. Ils se sont trompés. Ils sont trompés à Cuba aussi? Pas Corée du Nord. Puis même dans les endroits où est-ce que le socialisme, prenons-le dans sa version là la plus soft, on peut dire, est-ce que le socialisme marxiste des années 60 a sorti le moindre pays en voie de développement de la pauvreté après la décolonisation? Parce qu'ils ont tous, sont tous tombés dans l'orbite de l'Union soviétique. Oui. Est-ce qu'il y a un pays africain qui a été sorti de la pauvreté grâce à son économie socialiste? Non, on est passé d'un mode d'exploitation à un autre mode d'exploitation. Ou même de l'Europe de l'Est, j'en connais pas. Ou même de l'Europe de l'Est, oui. J'en connais pas. Non, alors c'est clairement comme ça. Mais, tu sais, vous savez, pardon, quand on parle à ces gens-là, souvent, j'ai eu cette discussion-là d'ailleurs avec Gabriel Nadeau-Dubois au Salon du Livre. Dans son livre, il dit « Je n'ai pas connu la chute du mur de Berlin ». Puis quand j'ai lu ça, j'ai eu comme une espèce de réaction. J'ai fait « Ah ah! » Ça fait partie du problème de perception qu'ils ont. C'est sûr que des gens de ma génération qui ont vu, qui ont entendu les témoignages, qui ont lu sur les goulags, et ainsi de suite, on se garde une grosse gêne par rapport au socialisme slash communiste, appelons-le comme on veut. Mais eux, ils l'ont pas vu, alors ils sont comme capables encore de rêver à ça et de se convaincre que ultimement, on peut c'est réorganiser la société dans une forme parfaite. Puis, il y a 32% des gens outre-monde, même si... Moi, là, si j'étais dans un quartier où mon parti à moi ne se présentait pas, j'irais pas pour autant voter pour Québec solidaire quand je regarde le programme. Non, il y a une partie de la réponse dans l'absence du PQ, mais t'as raison, il y a quelque chose là. C'est un parti extrémiste. Mais il y a beaucoup de gens qui votent pour ce parti-là, qui ne le sont pas. C'est bizarre ce que je viens de dire là, mais il y a beaucoup de gens qui, malgré ce que tu viens de dire, Lise, malgré le contenu qui est radical, imposer le transport collectif, décourager la surconsommation et interdire la voiture au centre-ville. Le transport collectif dans le programme, là. Gratos. À la grandeur du Québec. Non, c'est fou, là. Alors que ça coûte des milliards, puis c'est encore déficitaire, là. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui votent par idéalisme. Des Gabriel Nadeau-Dubois, qui par idéalisme, avec les différents groupes sociaux qui sont agglutinés à l'UQAM. Donc, lise ça, c'est théorique. C'est un socialisme utopique théorique. Et beaucoup de ces jeunes-là quand à 24, 25 ans, quand ils vont se mettre à payer de l'impôt, ils vont déchanter puis qu'ils vont changer d'option, là, je te l'annonce, là. j'ai eu une autre discussion avec Gabriel Nadeau-Dubois. Comme vous savez, j'ai un débat deux fois par semaine avec lui à la radio de Radio-Canada. Ah oui, ça va-tu bien d'ailleurs? Ben, écoute, c'est intéressant parce que moi, la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est le point de vue des jeunes m'intéresse. Bon, oui. Bon, l'opinion, là, ça devient un petit peu plus mou parce que c'est difficile d'avoir des opinions théoriques quand t'as 23 ans, mais néanmoins, c'est un gars intelligent, c'est un gars très articulé. Des fois, on se pogne solide, puis des fois, comme sur la charte, on était plutôt d'accord.